Laissez-moi vous parler ici de cette putain de maison de passe. Pas un de ces bouges, tout couilleux, non, mais un endroit qui pète la classe. Bienvenue, on n'est pas les plus commodes. Certains ont compris qu'on passe avec paume et leur a crié de tout son cœur. Hey, je crois que ça va pas être votre heure. Aidez-les, non, ce vieux de la vieille qui n'a toujours pas trouvé son pareil comme de Nancier aux mille merveilles. En bon géant, son bon vieux bordel, c'est lui le big boss. Perdu, j'ai pas de triste, tous mis à nu. Beaucoup de pauvres gens honnêtes ou pas. Pour deux, trois riches, ce n'est qu'un constat. Mais plus surprenant, c'est que les femmes y viennent. Autant que d'hommes, et que je m'en souviens. Oh, quel bordel infâme. On en deviendrait diaphane. Oh, oui, ce bordel infâme. Qu'est-ce qu'on en est fan. On l'aime, ce bordel infâme. On en devenir diaphane. Couillés des plus frivoles, mais après tous ces doigts qu'on décolle vers le 7e ciel, nous peut-être trop de l'an. Ça ne dépend que de soi. Alors le vieux Landre de rigoler, avec ses voiles pourpres et de satiné, ses murs de coton doux reflets de nacre, et trop de meurtres où certains embarquent, ou plus exactement ce que bien on est cherché. Un homme sans visage qui lui a bien noté sur une de ses pages le nom du désigné. Au bon tirage de sort, celui qui a gagné a juste le droit de découvrir enfin ce qui se cache en là-bas. Là, l'élu emboîtera sans fin le pas de cet inconnu sans bras. Une fois devant ses murs, on hésite à entrer, de peur d'avoir envie d'en faire s'abandonner. Mais à la fin, on craque, on finit par céder. Pierrot nous ouvre la porte et tout émerveillé, on entre dans ce bordel infâme. Même si l'on est profane, oh oui, ce bordel infâme. Même si l'on est une femme, on l'aime, ce bordel infâme. Même si l'on est profane, on l'aime, ce bordel infâme. Même si l'on est une femme. Mais c'est pas toujours rose, même si c'est souvent calme. Dans cette maison close, on claque du vacarme, on a le coup de gueule, d'empoigne et de sang. Parfois on se castagne comme des enfants. Et puis le petit orchestre fait tout pour emballer de nos voix de nuit et tous ses invités, pour éviter qu'on parte quelques déçus qui parfois s'en retournent dans leur rue. Mais tout a bien changé, même dans leur quartier. Un homme invisible commence à errer. À la fin, ils disent, faut tout recommencer. Ils se sentent tout neufs et ont tout oublié de ce bordel infâme. Même si c'était des femmes, oui, ce bordel infâme. J'avais capturé leurs âmes. Ils l'aimaient, ce bordel infâme. Même si c'était profane, ils l'aimaient, ce bordel infâme. Qui avait capturé leurs âmes. Ils y repasseront dans cette maison passe. Des mots l'avaient dit, on y a tous une part. Chacun et tous s'amuse, on y passe de bon son. Qu'est-ce qu'on s'y amuse dans ce fameux boxon. Le vieux déconnait pas quand il a révélé que c'était à son image qu'il nous avait forgé. Chez lui aussi vraiment, c'est un bien beau bordel. Seul détail préconni à tous des airs. Chez lui aussi vraiment, c'est un bien beau bordel. Seul détail préconni à tous des airs. Mon vieux déconnait pas quand il a révélé